Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Frédéric Matisse. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette sixième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par l'ANEF, c'est une banque éthique et coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, l'ANEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Bref, pour moi c'est vraiment la banque des 2030 glorieuses, je suis fier qu'elle me soutienne et qu'elle me permette de donner la parole à des personnes qui participent aux 2030 glorieuses et je vous propose d'être fier aussi de votre banque en ouvrant un livret chez l'ANEF. Aujourd'hui moi je suis heureux de te donner la parole Frédéric. Frédéric Matisse, tu es cofondateur du réseau des écoles de la transition écologique, les écoles Être. Vous en avez sans doute déjà entendu parler si vous nous écoutez. Ce sont des écoles qui visent à accompagner et former les jeunes en transition au métier de demain. Ensemble, nous allons donc parler de scolarité, de mixité et de métier d'avenir. Et pour commencer cet échange, Frédéric, je te pose la question que je pose à tous mes invités en début d'interview. Imagine, tu es dans un événement public ou privé d'ailleurs où tu rencontres des inconnus et qu'arrive la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Comment tu réponds maintenant en 2025? Alors c'est une vaste question parce que c'est vrai que on sait jamais trop quoi répondre et c'est toujours la question fatidique et première. J'étais ce matin chez le coiffeur pour tout dire et qui m'a posé la question et j'étais hyper embêté parce que quand j'ai commencé à répondre, j'ai vu dans ses yeux que elle comprenait pas un mot de ce que j'étais en train de raconter. Donc en gros, aujourd'hui, je dis que j'ai développé un réseau d'écoles pour des jeunes en réflexion sur leur parcours autour des métiers manuels de la transition écologique. Donc autant te dire que tout le monde n'est pas au fait de ça. Voilà, blague mise à part, je pense que par exemple, je fais souvent référence à mon grand-père, Papy Jojo, qui pendant 20 ans n'a vraiment pas compris ce que je faisais, même s'il était fier parce que j'étais dans l'associatif sur son territoire et il était content qu'on agisse pour son territoire. Mais le jour où on a eu une visite à l'âge, donc dans mon village de 160 habitants, de François Hollande, donc ancien président de la République, il m'a dit: ah là, ça y est, j'ai compris que c'était important ce que tu faisais. Voilà. Ah oui. Il y avait besoin d'une personne extérieure pour valider l'importance de ce que tu faisais. Exactement, oui. Oui, parce que c'était dans son référentiel à lui, en fait. C'est ça. Et en fait, mais je pense qu'il faut aussi, à un moment, être pas fier, mais en tout cas, porter le fait qu'on fait des choses un peu nouvelles. Donc, c'est pas dans le référentiel, on n'apparaît pas. Mais demain, peut-être que ça sera une certaine forme de norme. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai, comme tu le disais, en fait, avec cette question, on joue le jeu qui, je trouve, malheureusement, devenu un peu enfermant de mettre les gens dans des cases. Alors que, en réalité, ça peut être autant de points d'accroche pour créer des conversations intéressantes parce que on a la curiosité de l'autre, en fait, normalement. Et donc, plutôt que de se dire, ah bah tiens, un tel, je le mets dans telle et telle case, et puis bon, bah ensuite vient la conversation un peu automatique en fonction de la case dans laquelle j'ai mis la personne. Normalement, si on est vraiment avec cette curiosité de l'autre, on n'a pas forcément besoin de comprendre ce qu'il fait parce que là, tu viens de te présenter. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi un réseau d'écoles, pourquoi des métiers de demain, pourquoi pourquoi les jeunes, tu vois, il y a plein de portes d'entrée. Donc, en fonction de moi aussi, mes intérêts, de mon histoire, de ce qui vibre en moi, ce qui résonne en moi, bah, derrière, je décide de t'orienter sur une des questions, sur un des mots-clés de ta réponse. C'est ça qui devrait être naturel et c'est pour ça qu'on devrait être amené à ne plus redouter cette question-là, en fait. Tout à fait, tout à fait. Non, mais très juste. Créer la discussion et la conversation et les rencontres, c'est aussi bien de le faire par notre activité, quoi. Et même si, tu vois, pendant longtemps, je faisais exprès de ne pas répondre à cette question en parlant de mon métier, mais de dire que j'adorais le vélo, que j'avais un tableur Excel où je notais les éclairs au chocolat des boulangeries dans lesquelles je passais ou des choses comme ça, parce que là, du coup, c'est un pied de nez, mais parfois, c'est bien vu et parfois, c'est aussi mal vu de ne pas répondre dans les attendus. Donc, j'essaie de torturer un peu, de triturer un peu cette notion-là, de jouer avec, en tout cas. Une autre notion avec laquelle j'essaie de jouer, et là en l'occurrence c'est beaucoup plus stratégique, un peu plus autoritaire presque même, c'est de dire que c'est pas nous les écolos, je sais pas comment on te met, enfin comment on te labellise en général, mais d'écolo je sais pas quoi, qui sommes décroissants, mais c'est bien notre société actuelle, les tenants du monde d'hier qui sont décroissants. Et donc moi j'aimerais bien comprendre à quelle décroissance de notre époque tu t'attaques et par quelle croissance tu entends répondre, s'il te plaît. Oui, après juste sur la question des métiers, là je voulais revenir, mais quand on parle par exemple les traders et tout ça, ils ont des métiers qui sont incompréhensibles aussi. Et pourtant voilà. Hyper sexy. Et pourtant hyper sexy, voilà. Mais non, sur la question des croissances et croissance, oui, c'est vrai que nous, on est vraiment le point de départ en fait, c'était... Donc on est au début des années 2000 et l'idée c'était de dire comment on engage en fait des jeunes et au départ des quartiers dits politiques de la ville de Toulouse aux questions d'écologie parce que ces jeunes-là pour le coup sont les premières victimes des bouleversements climatiques en fait, des personnes les plus en difficulté. Donc comment on fait en fait pour renverser un peu la table sur ce truc-là et de les impliquer là-dedans? Et en fait, le sujet, ça a été que les questions théoriques, ça les dépassait un peu. C'est surtout qu'ils ne se sentaient pas concernés, et puis surtout que ça leur rajoutait encore un sujet un peu anxiogène, surtout au début des années 2000. On abordait beaucoup l'écologie par des questions anxiogènes et culpabilisatrices ou culpabilisantes. Et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'était de dire, mais comment on fait pour, du coup, les impliquer? Et l'idée est venue, moi-même venant de la campagne, d'aborder cette question par la pratique, par les mains dans la terre. Et donc, moi, il y a vraiment cet enjeu-là aujourd'hui. Il y en a deux, en fait, sur l'aspect croissance, on va dire, qui sont fondamentaux pour moi. Il y a cette question de confiance. Comment on retisse et on recrée la confiance, parce qu'on le voit. Bah c'est infini, cette confiance, elle peut, voilà, on va jusqu'à l'amour ensuite, inconditionnel. Donc il n'y a pas de limite en fait dans la confiance. Et aujourd'hui, c'est un point commun en fait de tous les publics qu'on accompagne aujourd'hui, qui sont ce déficit de confiance en soi, dans les autres, dans le système et dans l'avenir. Donc il y a vraiment un enjeu quadruple là pour le coup, de retisser cette confiance. Donc moi je serais bien sur la question de la croissance de la confiance, et après de manière plus terre à terre, il y a cette question de hiérarchie en fait aussi des métiers, c'est-à-dire comment on arrive à reconsidérer pour le coup ben, les métiers qu'on a appelés de première ligne au moment du Covid, ces métiers manuels et qui sont indispensables, et comment on peut ben, presque ne plus appeler un métier manuel, parce que se reconnecter finalement au faire, c'est une grande richesse, et notamment qui permet de tisser la confiance. Oui, ces fameux premiers de cordée dont on parlait beaucoup et qui effectivement sont carrément retombés dans l'oubli. Hein. J'ai un peu tendance à me penser, peut-être que c'est, je sais pas, un peu défaitiste de ma part, que le sursaut espéré sur cette question de la valorisation des métiers n'est vraiment pas advenu. Et que là où tu disais que c'est vrai qu'aujourd'hui on se présente comme trader, c'est sexy, ben, j'ai l'impression que tu as encore raison malgré tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Oui, et pourtant, on voit des jeunes de grandes écoles qui bifurquent. Et pourtant, quand on a, ben, au moment du confinement, tout fermé et tout s'est arrêté, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à refaire notre pain, on a commencé à refaire notre jardin, enfin, on s'est reconnecté. Et pourtant, très concrètement, sur la transition écologique, il va falloir former 2,8 millions de personnes et 90% sont des ouvriers techniciens. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, et c'est un enjeu presque plus de récits et aussi de transformation du travail, parce qu'on a aussi vu ces métiers comme de, un peu de la chair à canon, on va dire, mais très dévalorisé socialement et physiquement. Et donc, il y a un vrai enjeu sur cette revalorisation et rééquilibrage, en fait, aussi. Je pense que moi, j'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps avec un de nos artisans partenaires qui disait, mais toi, en fait, tu vois, parce que je parlais de métier manuel, et il me disait, mais toi, en fait, t'es le cul derrière ton ordi, et t'as un métier vraiment uniquement intellectuel, mais moi qui construis des maisons aujourd'hui avec les enjeux de transition, je dois concevoir, je réfléchis au sourcing des matériaux, je réfléchis à la conception, je réfléchis à tout ça, et ensuite je le mets en œuvre. Donc c'est moi qui ai un métier qui est beaucoup plus large et plus complet que le tien, quoi. Et alors, tu l'as pris comment? Non, mais je, et d'un autre côté, je sais que moi-même, en fait, parce que dans le développement d'un projet, en fait, tout nous amène finalement à être pas de plus en plus déconnectés, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est de plus en plus dans la théorie, la présentation, etc. Et que régulièrement, j'ai besoin de me reconnecter à ça, soit en allant directement dans les écoles, soit en faisant, enfin voilà, en revenant un peu à mes amours premières aussi. Hein, donc ça, pour moi, ça révèle surtout que on a créé cette dichotomie, voire opposition entre métier manuel et intellectuel, en dévalorisant les uns par rapport aux autres. Mais quand on voit une jeune de chez nous, Tessa, par exemple, qui apprend à faire un meuble en bois, et cette jeune Tessa qui est sortie de l'école depuis la troisième, et qui apprend ça à un jeune qui a fait Sciences Po, et que le jeune de Sciences Po, à la fin, qu'il a réalisé quelque chose de beau, se met à pleurer, la hiérarchie, en fait, des savoirs, elle est remise en question, quoi, par rapport à là. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de choses hein, dans ce que tu dis qui résonnent avec mon histoire personnelle, familiale, parce que moi j'ai vu mon petit frère être orienté vers un parcours dit technique parce qu'il n'avait pas forcément des très bonnes notes à l'école, pas parce qu'il n'était pas intelligent, au contraire il est super bon en langue, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire, mais peut-être que c'est les profs qui n'ont pas réussi à le trouver, peut-être que c'était la manière, peut-être que c'était l'environnement, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il a terminé par faire des études techniques, un bac pro, et j'ai vu comment lui, il se dévalorisait un peu lui-même aussi vis-à-vis de cette fin de carrière scolaire, pour le dire comme ça. Et puis que maintenant, c'est vrai que la société le met pas forcément dans une case hyper reluisante. Et pourtant, pour avoir pendant longtemps bossé avec lui grâce à mon père sur les chantiers, je sais à quel point c'est une zone d'épanouissement hyper intense, en fait, aussi de travailler manuellement, parce que le matin on arrive et le soir on repart et on voit exactement ce qu'on a fait, on voit la trace qu'on a laissée. Il y a un lien avec les autres qui est difficile à retrouver et à dupliquer dans des métiers plus intellectuels. Et puis en fait mon frère 20 ans plus tard il a du boulot tous les jours, il change de ville le lendemain, il a du boulot et il a construit sa maison quasiment entièrement tout seul, il a une compréhension hyper technique, il fait ses devis, sa compta, il a tout aussi le suivi administratif, législatif, les normes permanentes qui changent. Enfin, il y a une complexité, un peu comme quand on se moque des paysans dont on le dit qu'en fait ils sont juste là pour conduire des tracteurs, alors qu'ils sont en lien avec la météo, ils sont en lien avec la compta, ils gèrent un circuit de vente. Enfin, c'est tellement plus complexe, et ça, du coup, de devoir le revaloriser, je pense que c'est éminemment important. Et je t'avoue que le jour où j'intervenais dans un CDI pour parler à l'époque de Ça commence par moi, de comment on pouvait se ressaisir de ces enjeux, que l'écologie devienne à la fois solidaire, intime, spirituelle, souriante, collective, révoltée aussi, je parcourais les livres et je suis tombé sur un bouquin qui parlait des métiers de demain, et la couverture, c'était un jeune qui avait un casque de réalité virtuelle sur la tête. Et ça m'a révolté, tu vois, ça m'a révolté de me dire qu'on était coach en IA, qu'on était data analyst, féministe, qu'on était tous ces trucs. Et au moment où j'ai eu des enfants, je me suis dit, bah, c'est plus possible en fait. J'ai pas envie qu'ils tombent sur des livres comme ça. J'ai pas envie qu'on leur impose cette manière de penser. J'ai pas envie que si jamais ils en viennent à choisir des métiers manuels, ils se sentent dévalorisés. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans la question, bah, à la fois avec le podcast, de mettre en avant les métiers de demain, mais aussi de questionner cette notion de métier de demain et de les détechnologiser entre, je sais pas comment le dire mieux que ça, ouais, c'est dur à dire, détechnologiser, ou de les sortir un peu de ce rapport hyper futuriste à l'intelligence artificielle et toutes ces conneries qu'on projette. Vous faites des métiers du futur. Est-ce que vous avez un peu cette bataille stratégique aussi, cette bataille de récit, quand vous parlez des métiers auxquels vous préparez? Tout à fait. C'est en fait un des cœurs du projet du réseau. C'était aussi faire force, faire réseau pour pouvoir parler plus et représenter plus. Moi, avant ça, pour réagir sur ton frère, mais moi, je trouve ça fou qu'on attende 15 ans avant d'avoir un premier enseignement manuel. En fait, l'intelligence manuelle, c'est dingue. Que moi, j'ai eu la chance d'être dans une école dite alternative à Toulouse quand j'étais petit. Et du coup, on était basé sur des principes pédagogiques de l'éducation nouvelle, et notamment de Ovid de Crolly, sur l'école de la nature. Et donc, on a fait du jardin, on a fait des constructions, on a fait des choses comme ça. Et la richesse, en fait, que ça apporte, même en termes, pour le coup, même en termes intellectuels. Enfin, on fait Pythagore quand on construit une toilette sèche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est dingue. De spatialisation, de projection, de planification, de gestion du temps, du collectif, des autres, d'anticipation. Et c'est ça, et c'est dingue, en fait. Moi, je trouve que c'est à partir de 15 ans de dire, ben, soit t'as réussi et tu vas dans une filière maths, je sais pas quoi, soit ben, tu t'es pas très bon à l'école et donc tu vas aller faire un bac pro. Moi, ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment au cœur. Au niveau du réseau, en fait, il y a, moi je disais un peu en termes de punchline, qui sont de dire les métiers de demain seront des métiers de demain. Il est évident, comme je disais, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a 2,8 millions de personnes à former d'ici 2030 sur ces sujets-là, dont 90% des ouvriers techniciens. Aujourd'hui, on a besoin de faiseurs, on a besoin de gens sur le terrain. Alors comment maintenant on parce que le problème, il est effectivement que les jeunes et les gens n'ont pas forcément envie d'y aller parce qu'on est sur de la compétition physique, parce qu'on est sur des horaires hyper décalés, parce que aussi les filières d'orientation ne connaissent pas forcément ces métiers, donc il y a peu d'orientation vers ces sujets, sauf si c'est en voie de garage parce que t'es pas bon à l'école, et évidemment, pour précisément aussi une question de récit, c'est-à-dire comment on casse cette hiérarchie entre manuel technique, on va dire, et il y a une personne que je trouve arrive bien à rendre désirable le côté manuel, c'est Corentin de Châtel-Perron. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, Corentin, qui travaille sur la low-tech? Ah non, pas du tout. Non, et lui, justement, non. Avec tous ses émissions, notamment télé, et puis là maintenant son projet d'appartement low-tech, il montre à quel point faire avec les mains, c'est en fait hyper joyeux, jouissif, et presque un peu, il arrive à transmettre quelque chose à la fois de très technique, parce que ça répond à des enjeux forts de notre siècle, mais aussi hyper enfantin, hyper joueur, très malicieux, tu vois. Et quand je le vois faire, je me dis, mais moi, j'ai envie de montrer ces vidéos partout autour de moi pour montrer que, bah, en fait, c'est un espace de jeu, de créativité, d'enthousiasme, mais aussi de sens, de sentiment d'utilité qui est illimité, ce côté des mains, comme tu le dis très bien. Ouais, tout à fait. Je pense que il faut montrer des gens qui font. Il faut mon rêve un peu c'est aussi il faudrait faire de la fiction, il faudrait montrer des héros qui bâtissent des maisons, il faudrait montrer, enfin voilà, il y a vraiment un enjeu là-dessus sur cette question de récit, parce que c'est vraiment aujourd'hui c'est des gens pour le coup invisibles, mais qui tiennent quand même aussi notre pays et notre économie, comme on dit. Bon, on a réussi à faire quand même 15 minutes d'interview sans parler concrètement de ce que vous faites dans les écoles à être. Et c'est de ma faute parce que du coup, j'ai rebondi sur ce que tu me disais et je suis parti un peu... bon, c'était pas vraiment un rallongi, mais je suis parti un peu ailleurs. Il y a quand même 29 écoles. Et ça se trouve, mes chiffres sont pas à jour, mais je les tiens de votre site internet. Mais je veux bien une correction si elle est nécessaire. J'ai lu 29 écoles, 4000 jeunes formés, 89% de sorties dynamiques. Moi, depuis que j'ai fait le livre, avant ça, je connaissais déjà les écoles être, sur le livre sur les métiers de sens, je voulais dire. Et dès que je peux, je parle des écoles être. Et je me rends compte que malheureusement, il y a encore trop peu de personnes qui connaissent les écoles être et trop peu de jeunes du coup qui s'autorisent à aller vous voir parce qu'ils n'ont encore pas la connaissance de votre existence. Est-ce que tu peux peut-être déjà me corriger sur les chiffres? Deuxièmement, me dire ce que vous y faites dans ces écoles, pour qui, comment, où? Et puis peut-être qu'ensuite on voyagera en 2030 glorieuse et qu'on se racontera un peu à quoi vous ressemblez si on est dans 5-10 ans et que ça a continué à croître. Oui, les chiffres sont bons. D'ici quelques mois, il y aura 35 écoles, puisqu'on on augmente en fait entre 5 et 10 écoles par an. Donc, ça se développe bien. Il y a une vraie appétence. C'est vrai que moi, j'ai eu une fois un collègue partenaire qui m'a dit en fait, ce qui est embêtant avec les écoles être, c'est que vous avez le savoir-faire, mais vous n'avez pas le faire savoir. Et en fait, c'est vrai que moi, enfin, en tout cas, l'idée c'était quand même de, il y a aussi la force de l'exemple et montrer que ça marche, c'est quand même, enfin, aujourd'hui, je sais que quand je parle de ce qui est fait dans les écoles, par les équipes, par tout le monde, on sait que ça fonctionne, les résultats sont là, puisque 89% de sorties dynamiques, donc c'est-à-dire en emploi, en formation, en stage ou en service civique. C'est fou. Il y a un vrai pouvoir transformateur du faire, et à la limite, je suis assez fier quelque part, enfin c'est pas de la fierté, mais le côté communication c'est important, mais des fois on fait d'abord la com, et puis après on voit si on fait, là nous on a quand même la force de l'exemple, donc c'est voilà, je pense qu'on a du boulot effectivement encore aujourd'hui à maintenant faire connaître un peu toutes ces initiatives, mais en tout cas le fait est que maintenant on a quelque chose de concret et de bien ancré aussi dans les territoires. Donc nous on effectivement dans les écoles être, on accompagne principalement à 90% aujourd'hui des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont catégorisés pas très poétiquement par l'Europe des jeunes NEET, donc ils sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Donc c'est des jeunes qui sont au niveau infra-bac en général, et qui savent pas trop quoi faire. Alors j'aime pas trop les caricatures, mais pour faire une espèce de portrait robot, on va dire, un jeune qui a 22-23 ans, qui a quitté l'école à 16 ans parce que obligation scolaire, mais qui à partir de 11-12 ans a commencé à décrocher à partir de la 6e, et donc ça fait 10 ans qu'il a pas vraiment de projet, qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire, etc. Et donc l'idée c'est de remettre en mouvement par le faire en fait. Et donc ça c'est notre première brique dans le projet, puisqu'on en a trois qui constituent un parcours par rapport à la vision professionnelle aussi de l'insertion pro suite au parcours dans les écoles être. Donc on a un premier dispositif de formation qui est plutôt sur de la remobilisation, orientation, découverte. Donc là on est sur 3 semaines et l'idée c'est de voir, c'est de pratiquer, c'est de connaître un peu déjà aussi ces métiers, parce qu'on n'en parle pas ou peu, hein, tous ces métiers qui sont installateurs de panneaux solaires, agriculture bio, réparateurs de vélos, enfin voilà, tous ces métiers là et aussi de se remettre un peu en mouvement par rapport à un projet. Ensuite on a une deuxième brique qui est plus sur l'aspect orientation, enfin parcours professionnel, c'est-à-dire comment on construit aussi son parcours au regard de cet engagement et dans la myriade des métiers, puisqu'on sait plusieurs centaines de métiers qu'on peut faire dans ce secteur-là. Et là, on va prendre 4 mois pour construire son projet professionnel. Et enfin, on a un dernier volet qui est plutôt sur la qualification. Là, donc là, c'est l'acquisition de compétences qui peuvent donner lieu à un certificat ou un diplôme. Et donc là, qui est un peu plus spécialisé avec des couleurs métiers dans les différentes écoles, puisque on a des écoles qui sont celles que moi j'ai créées au départ à côté de Toulouse. On est plutôt spécialisé dans la menuiserie bois, on a une école qui est plutôt spécialisée dans l'agroforesterie, une école qui va être plus spécialisée dans la mécanique vélo, les énergies renouvelables, etc. Et ce qui permet aussi une interconnexion entre les écoles et une forme de compagnonnage pour les jeunes. On a par exemple deux jeunes de Paris qui sont venus à l'âge pour apprendre à côté de Toulouse pour apprendre à fabriquer des meubles en bois. Génial. Et les 10% restants, tu m'as parlé des 90 jeunes dits en décrochage, un peu à la marge. Les 10%, c'est des bifurqueurs, c'est ça ? Alors 10%, ouais, ça va être des bifurqueurs, ça va être des gens en reconversion pro, ça va être... on a aussi des écoles qui travaillent particulièrement avec des demandeurs d'asile ou réfugiés qui sont pas du coup pas forcément catégorisés. Voilà. Après, on a en fait l'idée... L'idée au départ, c'était d'être autour de 80% de jeunes, parce que c'est le cœur de public, mais 20% d'autres publics, ce qui est pas forcément facile, notamment pour nos collègues financeurs et notamment financeurs publics, parce qu'il y a beaucoup de cases sur l'aspect des publics. Mais on a vu aussi que cette diversité, alors ça va être un moment très politique, un peu cucu, mais très politique, dire la diversité est une richesse. Et oui. Et donc on voit que dans les groupes, plus il y a de diversité de parcours, des jeunes qui viennent de la ville, des jeunes qui viennent de la campagne, des jeunes qui ont des difficultés avec la justice, des jeunes qui ont des difficultés qui sont en situation de handicap, etc., que tout ça est mélangé, en fait, plus c'est mélangé, plus c'est mixé, plus il y a de réussite en fait dans les formations. Non, mais c'est bien des fois d'enfoncer des portes ouvertes, parce que t'as l'impression qu'on oublie ces évidences. Tout ce que tu viens de dire, moi je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, notamment en étant coordinateur de projet pour une cité. On avait des services civiques et des jeunes en service civique de tous les profils, de toutes les expériences, de tous les âges, de tous les milieux, souvent en décrochage scolaire fort. Et moi, je sais à quel point ces jeunes, ils sont géniaux, ils sont à la hauteur. Dès que on les regarde droit dans les yeux et qu'on les considère comme des adultes généreux, ambitieux, altruistes, ben en fait, ils se mettent très facilement dans ce rôle-là. Est-ce que tu le confirmes ? Est-ce que tu as la même expérience ? Moi, j'ai souvent dit, parce qu'on me demande, mais comment vous sélectionnez les jeunes qui viennent chez vous ? Et au début, en fait, de l'aventure, je disais, on les sélectionne par la motivation. Et en fait, très compliqué de juger de la motivation d'un jeune qui arrive là un peu à reculons, sans faire de caricature, mais la casquette vissée sur la tête avec des écouteurs, etc. Et en fait, nous, on a sur les 29 écoles, on en a 20 qui sont en milieu rural, comme on dit, à la campagne. Moi, je préfère. Et en fait, pour certains, ils font 1h30 de transport aller pour venir chez nous tous les jours. Et en fait, ils reviennent. Et du coup, je dis, mais en fait, peut-être qu'ils n'expriment pas de motivation, mais en fait, ils en ont énormément. Moi, je suis atterré de l'image qu'on renvoie des jeunesses aujourd'hui, qui est dans une situation... catastrophique, notamment sur les questions de santé mentale, dont on parle de temps en temps, mais qui est quand même encore aujourd'hui un peu mis de côté, et qui surtout, la réponse à ça est tu n'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Et moi, on peut dire révolté sur cette question-là, parce qu'on voit ce que les jeunes ont traversé et traversent aujourd'hui. Je conseille d'ailleurs fortement de lire, si vous ne l'avez pas fait, parce que beaucoup l'ont déjà lu, mais le livre de Salomé Sacqué sur « Sois jeune et tais-toi ». Sois jeune et tais-toi. Voilà, qui est hyper éclairant sur ça, sur la situation aujourd'hui sociale, de santé mentale, économique des jeunes et des jeunesses, quelles qu'elles soient finalement aujourd'hui. Elle est très difficile, avec l'épisode de confinement en plus qui a quand même été assez difficile à traverser aussi. Et pourtant, je vous invite, là, c'est des gens qui écoutent, à venir prendre attache dans une école être, venir une journée et voir l'incroyable force d'engagement et d'implication des jeunes au quotidien, en fait, dans ces écoles, à partir du moment, encore une fois, où ce réseau, où ce tissu de confiance est créé. Il y a carrément, enfin moi je trouve que les énergies qui sont aujourd'hui déployées par ces jeunes qui vivent un moment quand même très compliqué, sont assez incroyables et ça mériterait en fait d'être beaucoup plus montré pour revenir à la question de la communication tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Allez, tu m'as parlé de Tessa là. Viens, Frédéric, on termine par quelques exemples. Tu pourrais, je pense, tenir des heures et des heures. Et à la fois, peut-être, si jamais là, c'est pas une question de priorisation, c'est pas les meilleurs, mais les deux, trois qui te viennent en tête d'exemples chouettes que tu as envie de nous partager sur toutes ces pépites qui ont traversé et brillent encore plus fort grâce aux écolettres, ça serait quoi? Oui, Tessa, c'est sûr, c'est un exemple fort parce qu'aujourd'hui, son rêve, là où elle n'en avait plus, c'est de construire un bateau. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose et d'aller voyager autour du monde et tout ça. Donc, elle se donne les moyens d'aboutir à ce rêve. On a un jeune aussi Mohamed, du coup, il était venu chez nous en étant dépendant à plusieurs drogues. Et en fait, s'est découvert une passion pour l'animation nature. Alors, autant pour la question de la nature que pour aussi le travail avec les enfants et la transmission, etc. Et en fait, du jour au lendemain, il s'est dit, mais en fait, je ne peux pas continuer. En fait, il a vraiment eu un déclic à un moment donné parce que ne pouvant pas réagir en fait suffisamment dans l'état dans lequel il était. Et du coup, il a carrément arrêté quasiment du jour au lendemain, en se faisant accompagner, évidemment. Et aujourd'hui, il est responsable jeunesse dans une commune pas très loin d'ici. Donc c'est un très beau parcours aussi. Et puis après, on a des jeunes, c'est un peu plus disruptif, mais c'est assez marrant, parce que nous, la question des métiers de la transition est importante, mais il y a aussi la question de comment je me retrouve et comment je recrée cette confiance en moi qui me permet des choses. J'ai sorti un bouquin il y a pas longtemps, mais j'ai eu une expérience assez folle et qui me met toujours qui me crée beaucoup d'émotions. C'était à l'inauguration de l'école dans le Gard. Et c'était la 20e école à ce moment-là. Et à la fin, donc l'inauguration, c'est le lancement de la première formation un peu longue. Donc il y a les jeunes qui interviennent et tout ça. Et c'est très poignant, très intéressant, très, très beau quoi, de voir justement la réalisation et que ce projet né dans ce village de 160 habitants aujourd'hui existe dans toutes ces villes et que ça marche partout. Et donc voilà, la présentation se termine et puis moi je vais pour repartir et j'ai un jeune qui m'interpelle et je le vois et c'est pas un jeune qui faisait partie de la formation et donc il se présente, il me dit je m'appelle Ilyes et je suis en fait je voulais absolument vous rencontrer parce que il y a 5 ans je sortais de prison. Il y a 3 ans, je suis rentré dans une formation avec une école être à Montpellier, donc à 70 km d'ici, et je suis venu aujourd'hui en stop parce que je voulais vous rencontrer parce que grâce à vous aujourd'hui, j'étais sûr il y a 5 ans que j'étais capable de rien et aujourd'hui je construis des maisons pour les gens et c'est grâce à vous. Et ce moment-là était carrément, c'était typiquement, vraiment. Toutes les galères étaient oubliées là pendant un moment, donc j'ai beaucoup pleuré devant lui, mais en lui disant que c'était pas grâce à moi évidemment, et notamment grâce à l'équipe de l'école de l'Hérault qui est vraiment géniale. Mais voilà, il y a vraiment cette question de la confiance permet de se révéler quoi. Bon, écoute, on va aller en 2030 glorieux sans trop tarder parce que j'ai envie de savoir à quoi ressemble une France de la confiance. Et avant ça, il y a toujours une petite pause qui se fait à travers la lecture d'un passage d'un livre marquant pour l'invité, parce que moi, je suis persuadé que dans nos livres, il y a déjà des fenêtres vers les 2030 glorieuses et qu'il faut les regarder comme ça pour se rendre compte à quel point les utopies, elles sont déjà tout autour de nous, les valeurs enthousiasmantes sont autour de nous et qu'on doit les prendre au mot. Ces passages-là et ces lectures-là. Qu'est-ce que tu viens nous lire, toi, Frédéric, alors ? Bien, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que on a plein de lectures et moi je lis beaucoup d'essais, notamment sur ces questions-là. Mais j'ai voulu faire un petit pas de côté, on va dire, qui est un livre qui a vraiment marqué mon engagement et ma réflexion sur l'écologie, qui est un livre de Élisée Reclus, l'histoire d'un ruisseau, qui est un géographe anarchiste. Donc c'est déjà assez marrant comme parcours, et qui raconte l'histoire d'un ruisseau et qui fait beaucoup de parallèles sur une société idéale et du coup dans l'anarchie telle qu'il a pensé, qu'il a décrit. Aussi bien que l'homme considéré isolément, la société prise dans son ensemble peut être comparée à l'eau qui s'écoule. À toute heure, à tout instant, un corps humain, simple mille millionième de l'humanité, s'affaisse et se dissout. Tandis que sur un autre point du globe, un enfant sort de l'immensité des choses, ouvre son regard à la lumière et devient un être pensant. De même que dans une plaine, tous les grains de sable et tous les globules d'argile ont été roulés par le fleuve et disposés sur ses rives, de même toute la poussière qui recouvre le globe a coulé avec le sang du cœur dans les artères de nos ancêtres. D'âge en âge, les générations se succèdent en se modifiant peu à peu. Les barbares à la figure bestiale et luttant pour la prééminence avec les animaux féroces sont remplacés par des êtres plus intelligents, auxquels l'expérience et l'étude de la nature ont enseigné l'art d'élever les animaux et de cultiver la terre. Puis, de progrès en progrès, les hommes arrivent à fonder des villes, à transformer les matières premières, à échanger leurs produits, à se mettre en rapport d'une partie du monde à une autre partie. Ils se civilisent, c'est-à-dire leur type s'en oublie, leur crâne devient plus vaste, leur pensée plus étendue, et d'un cercle de plus en plus large, les faits viennent se grouper dans leur esprit. Chaque génération qui périt est suivie par une génération différente, qui, à son tour, donne l'impulsion à d'autres multitudes. Les peuples se mêlent, les peuples se mêlent aux peuples comme les ruisseaux aux ruisseaux, les rivières aux rivières. Tôt ou tard, ils ne formeront qu'une seule nation, de même que les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve. L'époque à laquelle tous ces courants humains se rejoindront n'est point encore venue. Races et peuplades diverses, toujours attachées à la glèbe natale, ne se sont point reconnues sœurs. Mais elles se rapprochent de plus en plus chaque jour. Elles s'aiment davantage, et de concert, elles commencent à regarder vers un idéal commun de justice et de liberté. Les peuples, devenus intelligents, apprendront certainement à s'associer en une fédération libre. L'humanité, jusqu'ici divisée en courants distincts, ne sera plus qu'un même fleuve, et, réunis en un seul flot, nous descendrons ensemble vers la grande mer où toutes les vies vont se perdre et se renouveler. Frédéric, pour ta lecture. On est en 2030 glorieux, je ne sais pas si tu as senti la petite secousse sous ton siège. Les 2030 glorieux, ce n'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est moi qui ai décidé un jour de me dire j'en ai ras-le-bol qu'on me dise que mon monde est en crise, que rien ne va, je vais donc aller dans le seul espace qui reste encore à explorer, c'est-à-dire le futur, et partir du principe que potentiellement on aurait réussi. Et là viennent les trois petits points. Mais c'est pas encore une fois réussi, tout est réglé d'un coup de baguette magique. On sait qu'il y a des phénomènes qui sont enclenchés et qui vont mettre des décennies, voire des centaines d'années à être atténués et inversés. Et pourtant, en fait, on peut très rapidement, faire en sorte que notre monde aille mieux et se mette à la hauteur enfin des enjeux. Et donc on va parler de ça, ok ? Et on en parle au présent, on va décréter tout ça. Pas de conditionnel entre nous, s'il te plaît, Frédéric. Et c'est toi qui vas décider de quand tu es en 2030 glorieuse, puisque comme les 30 glorieuses, c'est une ère d'une trentaine d'années qui s'ouvre, peut-être à partir de 2028, j'en sais rien, 2032, peut-être. Les historiens nous le diront, ou nous l'ont peut-être déjà dit en fonction de là où tu es. Et si tu as besoin d'un moment proche, si tu as besoin au contraire d'être un peu plus loin et de raconter tous ces changements extraordinaires, ces belles ruptures qu'on a vues dans nos sociétés, c'est vraiment toi qui décides. Ça marche ? Et la première question du coup que je te pose, Frédéric, je sais pas où tu es là actuellement en demi-trente heureuse, mais si tu peux regarder par la fenêtre et nous dire ce que tu y vois, ça serait génial. Allez, on t'écoute. Alors moi, je suis à la campagne là, dans une ville moyenne, et en fait, je vois les gens en fait qui vivent et qui habitent leur lieu et leur territoire. Ils sont pas. On a aujourd'hui un peu remis en question le fait de tout le temps bouger, parce que le voyage, il peut être aussi intérieur et aussi sur place et aussi localement, parce qu'il y a plein de richesses et plein de diversité à rencontrer, à se rencontrer. Et donc, je vois des vélos, des gens qui se baladent et qui discutent autour d'un marché. On est en 2030 glorieuse, c'est une époque de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir confiance dans les autres, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'avenir? Je pense qu'on a, eu, il y a très longtemps, du coup, des expériences aussi qui ont fonctionné, dont on parle plus ou pas, mais qui sont des expériences aussi politiques et locales. Et je pense que, enfin, aujourd'hui, en fait, cette confiance, elle est recréée aussi par la proximité. Et en fait, déjà, en fait, c'est bateau, mais aujourd'hui, quand on se rencontre, on dit « je t'écoute » et on écoute vraiment. Et du coup, il y a cette relation interpersonnelle qui se retisse hein, et qui passe pas par des écrans, qui passe pas par des applications, etc. Donc il y a déjà la rencontre qui est remise un peu au cœur de notre société aujourd'hui. Et cette rencontre, en fait, elle se traduit aussi sur l'aspect politique, puisque on a aujourd'hui un pouvoir un pouvoir, en tout cas des décisions et des réflexions qui sont pas du haut vers le bas, mais qui sont construites, en fait, sur les territoires dans lesquels on vit. Et du coup, qui ensuite, un peu comme dans l'extrait que j'ai lu, on se réunit enfin, même si on a traversé quand même quelques années un peu de doute et de difficultés avec les backlash, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a cette réunification, et donc la confiance, elle se tisse sur ces rencontres, en fait, et en cassant un peu les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Ouais, tu te souviens peut-être, il y avait cet économiste Adam Smith qui disait qu'il fallait laisser faire la main invisible. En 2030 glorieuse, on laisse faire les mains visibles. Et en fait, la confiance, elle passe par les mains qui font, elle passe par les mains qui se serrent, par les mains qui soutiennent, par les mains qui relèvent. Elle passe aussi par cette notion d'avoir la main et d'être sur un territoire qu'on peut embrasser de nos mains. Et ça remet un peu l'humain à son hauteur, c'est-à-dire pas à une échelle mondialisée, voire universalisée, où supposément on avait toute la puissance infinie de notre intelligence, mais au contraire, une puissance humble, une puissance sereine. Oui, et puis et je pense que l'institution un peu centrale dans tout ça, elle est aussi sur l'école, hein, c'est-à-dire qu'on a... il paraît qu'il y a quelques années, l'école était quand même basée sur la compétition. Et aujourd'hui, on a cette école de l'émancipation qui est vraiment sur l'école, certains diraient de la confiance, mais je pense plus largement que ça, c'est-à-dire on va aussi valoriser ces savoirs, quels qu'ils soient, parce que il y a des milliers de formes d'intelligence. Et du coup, aussi, on se tend la main par rapport à ça. Dis-moi comment elles sont enfin à la hauteur des enjeux de notre siècle, les écoles, et comment elles sont pour tous les talents, pour tous les âges, pour toutes les situations, comment ce sont devenues des écoles de la singularité aussi. Oui, ou des singularités. Je pense qu'il y a vraiment un truc, moi, ce que j'aime bien là, c'est qu'il n'y a pas de... On parle beaucoup d'accompagnement individuel, mais en fait, à l'époque, on parlait de ça, quoi, et que du coup, ça enfermait aussi les gens un peu dans leur individualité. Et je pense que cette notion d'entraide et de co-construction aujourd'hui, elle est fondamentale et au cœur du système éducatif. Et en fait, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'il n'y a plus de maîtres. et en fait, cette école mutuelle, chaque enfant, chaque jeune a des choses à apporter. Et surtout, en fait, il n'y a plus d'école, institution, établissement. Cette école, elle est pour toute, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour pour se mettre à apprendre, pour se mettre à bifurquer, pour apprendre de nouvelles choses. Et du coup, on peut faire des allers-retours comme ça, aller être productif, comme on dit, pour notre société, mais surtout aussi de quelque part de se renouveler, de se recréer et d'aller apprendre des nouvelles choses. Et en fait, il n'y a plus cette hiérarchie entre les sachants d'un côté qui imposent quelque part un savoir à un groupe, mais que ce groupe est aussi auto-apprenant, quoi. Dis-moi comment on est arrivé à cette rupture, à cette bascule. Comment cette société, et notamment nos écoles, elles se sont transformées. Est-ce que si tu ouvrais un livre d'histoire, là, d'une histoire très proche, il y a une ou deux dates que tu aimerais nous partager en particulier ? Oui, ça a été dur, hein. Il y a eu une époque, là, des années 2020, où il y a eu ce qu'on a appelé un backlash, quoi, avec des élections, notamment de dirigeants. Et je pense que, en tout cas, en France, la bascule a été en 2027, quand on a eu le vote pour l'extrême droite, et il y a eu une vraie réaction. Et là, on aurait pu s'attendre, en fait, qu'il y ait une réaction violente, un peu révolutionnaire dans le sens sanglant et caricatural qu'on peut voir. Il y a une révolution des consciences, c'est-à-dire que les gens se sont dit, ben en fait, on a merdé là-dessus, mais se sont organisés en fait plein de groupes un peu autonomes et qui ont fait la bascule à un moment donné parce que les gens se sont rendus compte que c'était peut-être là une solution pour notre société. Je me rappelle, tu sais, comment il s'appelait déjà ? Oui, Laurent Wauquiez qui militait pour installer des portiques de sécurité dans les écoles. Et cette révolution, parce que là, on peut vraiment parler de révolution, ce mouvement qui s'est lancé avec certains dirigeants, directeurs, directrices d'écoles qui ont décidé au contraire d'ouvrir les écoles pour manifester et pour montrer qu'en fait, on ne pouvait pas continuer à isoler l'école du reste de la ville, du reste de la vie, et qu'on avait besoin de toute une communauté pour faire vivre, pour protéger, pour défendre, pour valoriser, pour enseigner. Et donc, on a remis un peu l'école au centre du village, comme on pourrait dire, en enlevant ses barrières. Et alors que ça paraissait évident, par exemple en Suisse, où les écoles n'ont pas de portail, n'ont pas de barrière, nous, en France, on était barricadés. Et le fait de débarricader, le fait d'ouvrir, ça nous a tous et toutes responsabilisés, parce qu'en fait, on avait besoin d'avoir un climat de confiance, on avait besoin d'avoir des espaces protégés, d'avoir des voitures éloignées. Et donc, ça nous a remis tous et toutes en face de notre responsabilité d'éducatrice, d'éducateur, à un moment ou un autre de notre journée. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Laurent Wauquiez, je ne sais pas si tu es au courant, mais est paysan en Auvergne maintenant, donc il a aussi bifurqué. Hein, je pense que ça peut concerner tout le monde, il n'y a pas de souci. Et je pense effectivement que cet adage de dire qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, là on est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi... Il y a aussi des enfants qui peuvent apporter, c'est-à-dire qu'on peut apporter une certaine sécurité dans tout ça, mais le regard aussi. Moi, j'étais sidéré de voir dans certains livres une histoire sur les années 2020, pareil, quand on parlait de rythme scolaire, on ne demandait rien aux enfants. Donc c'est quand même fou de prendre des décisions comme des débats sur une chaîne télé, alors je me rappelle plus comment c'était, CNews je crois, un truc comme ça, qui parlait de des questions des règles des femmes sans qu'il y ait une femme sur le plateau. Enfin c'est quand même fou qu'à cette époque-là il n'y avait pas de gens, les gens concernés n'étaient même pas intégrés dans la discussion et dans le débat, alors que là aujourd'hui il y a vraiment cette question-là et les discussions et les débats qui peuvent être vifs. Hein. Des fois, on n'est pas d'accord, mais du coup, on arrive en impliquant. Et donc, c'est une pratique, en fait. Voilà. C'est une pratique dès le plus jeune âge de la conciliation, de l'écoute. Et donc, les jeunes, ils sont sollicités sur la vie de l'école, sur les rythmes scolaires, sur les programmes, sur la cantine, les travaux à faire et plein de choses, en fait, pour que petit à petit, ils prennent le goût de la concertation, de la décision collective. Hein. Et tu parlais de CNews. Tu sais que moi, j'y suis allé la semaine dernière. J'étais un peu reluctant, j'avoue, à l'idée d'y aller, mais il y a le musée du masculinisme, de la masculinité toxique qui a ouvert ses portes, là. Et donc, ils payent, il y a Pascal Praud, il y a a Elisabeth Lévy, il y a tous ces gens-là qui font de l'enregistrement en direct comme ça de leur émission pour nous montrer à quel point à l'époque ça n'avait pas de sens. Ça fait un peu musée de la soupe aux choux, je ne sais pas si tu te souviens de la soupe aux choux. Quand, mais du coup, d'aller les voir, j'étais presque nostalgique, les pauvres, de nous montrer à quel point ouais, on a quand même bien évolué. Mais oui, oui, oui. Moi, je pense que sincèrement, en plus... Alors Pascal Praud quand même, Elisabeth Lévy, ils ont eu du mal hein, à prendre conscience et à vraiment aller là-dedans. Mais globalement, je pense que la plupart, quand ils voient, en fait, quand ils ont vu plutôt la richesse que ça a apporté, ils ont aussi pris le chemin, quoi. Et même à toutes celles et ceux qui, en fait, aussi continuaient à avoir l'intérêt économique en premier, en tête, tu vois, parce que bah, ces métiers, c'est des croissances, c'est du territoire, c'est de l'argent qui circule, c'est des changements concrets pour la vie des gens et c'est des degrés en moins, c'est plein de choses très, très, très bénéfiques et ça génère aussi, hein, d'une certaine manière, du business de proximité. Donc, si en fait les gens ils avaient aussi envie d'avoir une belle carrière, d'avoir une entreprise florissante, tant mieux en fait qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait concilier tout ça, quoi. Oui, oui, et puis à l'époque, il y avait peut-être beaucoup de richesses, mais il y avait aussi beaucoup d'antidépresseurs. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, on est peut-être riche différemment. Et qu'est-ce que la richesse en plus? On pourrait faire une autre émission là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a cette légèreté, on va dire. Qui... Ouais, ouais, c'est clair. D'autant, Frédéric, je vois que le temps file et j'ai deux questions centrales quand même. C'est. Les écolettres, elles sont partout en France, elles se sont largement déployées ou au contraire, le modèle de l'écolettre a été repris par l'éducation nationale et elle n'existe plus puisqu'elles sont partout maintenant. Oui, oui, ça n'existe plus, ça n'a plus lieu d'être. En fait, on a eu plein d'autres idées entre-temps sur justement l'interconnexion entre les gens, ces réseaux sociaux réels. Donc on a laissé tomber ça parce que l'école être, en fait... Et l'école maintenant, donc voilà, on a essayé de contribuer à notre modeste niveau là-dessus, et aujourd'hui on est content de voir que ça s'est développé un peu partout en France. Et toi là, en 2030 Glorious, t'as lancé le réseau des écoles Ne Pas Être, et donc tu travailles sur l'ego, tu travailles sur la spiritualité, tu travailles sur tout ça, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Non, oublie cette très mauvaise blague. Et dis-moi très sérieusement, tu fais quoi en 2030 ? Moi, je prends du temps en fait avec mes enfants et je fabrique des cabanes. Oh, je crois que c'est la meilleure réponse qu'on m'ait jamais fait. Voilà, tout simplement. Si jamais LinkedIn existait encore à notre époque, tu mettrais ça comme définition sur ton profil ? Papa à plein temps et fabricant de cabanes. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Où je ne mettrais rien, justement. Ne pas être. Ne pas être, exactement. On y revient, tu vois. Frédéric, on revient petit à petit, justement. Tu dis on y revient, mais on y revient en 2025. Heureusement et malheureusement. Malheureusement, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on est un peu noyé par ce côté mondialisé où il y a des personnes qui parlent plus fortes que les autres et qui nous donnent l'impression qu'on a la main sur rien. Et heureusement, parce qu'en fait, on a la main sur plein de choses. Et donc, si les gens là qui nous ont écoutés, ils se sont dit « Mais moi, là, c'est 2030 Glorious, c'est demain, allez, on y va, par quoi on continue ?» Tu leur dis de continuer par quoi, justement ? Puisque c'est pas de commencer, il y a déjà des choses qui sont lancées. Donc, on a pas besoin de faire sortir de terre, on a besoin de faire changer d'échelle. Par quoi on continue concrètement ? Moi, je pense quand même que... Au-delà de ça, je pense que... Un peu comme ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand même, on a une question sur comment tout ça s'organise ou pas, et que notamment les jeunes avec lesquels on travaille ont autant de propositions, de solutions, d'idées à apporter que n'importe qui, parce que on vit un temps de trouble quand même au pluriel, et qu'il faut faire, pour le coup, confiance dans ce qui va se passer. Et c'est quelle place, en fait, on donne et on se donne à la construction de tout ça. Donc moi, je serais pas aussi péremptoire sur le fait de dire il y a que des idées à faire grandir. Je pense qu'il y a encore des idées auxquelles on n'a pas pensé encore, qui sont sur le point d'émerger, parce que je trouve que un des défauts de l'écologie aujourd'hui, c'est soit d'un côté on a une réponse techno-solutionniste toute faite en disant il faut faire plus de nucléaire et moins d'énergie renouvelable ou je sais pas quoi. Je ne vise personne. Et ou alors de dire ça va être terrible parce que décroissant, etc., etc. Et je pense qu'il y a, c'est pas qu'il y a une voie intermédiaire, c'est que peut-être même il y a une autre voie. Moi, juste pour illustrer ça, je conseille un bouquin qui est un peu ardu à lire, mais qui est passionnant là-dessus. C'est un livre de Anna Tsing qui s'appelle Le champignon de la fin du monde. Et qui est sur l'histoire d'un champignon qui s'est développé aux États-Unis suite à une déforestation, et qui est en fait un champignon, le Mitsukake, qui est un champignon hyper cher au Japon, et du coup ça a permis la création d'une communauté d'expats japonais qui ont carrément créé une culture, une langue, etc., et des écoles, enfin tout ça, et qui du coup est né du fait de la déforestation. Donc il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui est il faut qu'on reste aussi ouvert à ce qui peut advenir, et je pense qu'on a tous un petit bout de la solution, quoi. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 Glorieuses.